Comme une flèche qui fend les airs, les 11 cygnes volèrent toute la journée, plus lentement néanmoins qu'à l'ordinaire, puisqu'ils portaient leur sœur. Le temps devint mauvais et la nuit approchait. Elisa vit avec inquiétude le soleil s'incliner vers l'horizon, sans apercevoir encore le rocher solitaire au milieu des flots. Il lui sembla aussi que les cygnes agitaient leurs ailes avec beaucoup plus d'effort. Hélas, c'était elle qui les retardait. Le soleil couché, il redeviendrait homme, tomberait dans la mer et se noierait. Elle adressa du fond du cœur une prière au bon Dieu, mais le rocher n'apparut pas encore. Le nuage noir s'approchait de plus en plus. Le vent annonçait une tempête, le tonnerre grondait et un éclair suivait l'autre. Déjà le soleil touchait à la mer, le cœur de la jeune fille palpitait. Les cygnes descendaient si rapidement qu'elle croyait tomber. Mais bientôt, ils reprirent leur vol. Le soleil était à moitié plongé dans l'eau lorsqu'elle aperçut le petit rocher, pas plus gros qu'un champ de mer, qui montre sa tête au-dessus de l'eau. Le soleil ne ressemblait plus qu'à une simple étoile quand elle posa les pieds sur le roc. Et, lorsqu'il s'atteignit tout à fait, comme la dernière étincelle d'un papier enflammé, elle vit ses frères autour d'elle, se tenant tous par la main. Il ne restait pas la moindre petite place vide. Les vagues battaient le rocher et passaient sur leur tête comme une averse. Le ciel était en feu, le tonnerre grondait sans cesse. Mais la sœur et les frères, se tenant toujours par la main, entonnèrent un psaume afin de reprendre le courage et de se consoler. À l'aube du jour, l'air devint calme et pur. Les cygnes s'envolèrent avec Elisa au moment où le soleil parut. La mer était encore agitée. Vue du haut des airs, sa blanche écume ressemblait à des milliers de cygnes percés par les vagues. Peu de temps après, Elisa aperçut devant elle un pays montagneux qui semblait flotter dans l'air. Au milieu de brillants glaciers et de rochers escarpés, un château long s'élevait entouré de galeries superposées. Au pied de ce château s'étendaient des forêts de palmiers et poussaient des fleurs magnifiques, aussi grandes que les roues d'un moulin. La jeune fille demanda si c'était là le pays où il se rendait. Mais les cygnes secouèrent la tête pour dire non, car ce palais admirable, changeant continuellement d'aspect, n'était que la résidence de la fée Morgane. Jamais homme n'en avait franchi le seuil. Pendant qu'Elisa considérait ce spectacle, les montagnes, les forêts et le château s'écroulèrent tout d'un coup, et à leur place apparurent 20 églises superbes, toutes pareilles, avec leurs hautes tours et leurs fenêtres en ogive. Elle s'imagina entendre la musique de l'orgue, mais ce n'était que la musique des vagues. Elle était déjà tout près de ces églises, lorsque subitement, elle les vit se transformer en une flotte complète, qui naviguait au-dessous d'elle. Un moment après, il ne restait plus qu'un brouillard planant sur les eaux. Enfin, elle découvrit le pays où il devait se rendre. C'était des montagnes bleues, avec des forêts de cèdres, des villes et des châteaux. Longtemps avant le coucher du soleil, elle se trouvait assise sur un rocher, devant une grande caverne entourée de plantes rampantes qui ressemblaient à des tapis brodés. « Maintenant, nous allons voir ce que tu rêveras cette nuit, » dit le plus jeune des frères en montrant à Elisa sa chambre à coucher. « Puissais-je rêver des moyens de vous venir en aide ?» répondit-elle. Et, cette pensée l'absorbant tout entière, elle se mit à invoquer l'appui du bon Dieu. Jusque dans son sommeil, elle ne cessa de prier. Soudain, elle se crut enlevée bien haut dans les airs, jusqu'au palais nébuleux de la reine Morgane. La fée elle-même venait à sa rencontre, et, malgré sa beauté et sa splendeur, elle ressemblait à la vieille femme qui lui avait donné des fruits dans la forêt et lui avait parlé des 11 cygnes aux couronnes d'or. « Tes frères pourront être délivrés, » dit la fée, « mais il te faudra du courage et de la persévérance. Il est vrai que l'eau, plus légère que tes mains délicates, arrondit les pierres dures, mais elle ne ressent pas les douleurs que ressentiront tes doigts. Elle n'a pas de sensibilité et ne subit pas les tourments que tu endureras. Vois-tu l'ortie que je tiens à la main? Il en pousse beaucoup de pareilles autour de la caverne où tu dors, mais celles qui viennent sur les tombes du cimetière sont les seules bonnes. N'oublie rien de ce que je te dis. Tu les cueilleras, quoique ta peau, en les touchant, se couvre d'ampoules. Tu les écraseras ensuite sous tes pieds pour en faire de la filasse avec laquelle tu tisseras 11 tuniques à manches longues. Jette cette tunique sur les 11 cygnes sauvages et le charme sera rompu. Mais rappelle-toi bien que, depuis le moment où tu auras commencé ce travail jusqu'à celui où il sera terminé, dût-il durer plusieurs années, il te faudra garder un silence absolu. Le premier mot sorti de ta bouche atteindrait le cœur de tes frères comme un poignard mortel. Ainsi, leur vie dépend de ta langue. N'oublie rien de mes avertissements. En même temps, elle touche de son ortie la main d'Elisa, qui se réveilla tout d'un coup comme brûlée par le feu. Il faisait grand jour, et, près de l'endroit où elle avait dormi, se trouvait une ortie toute pareille à celle qu'elle avait vue dans son rêve. Alors, la jeune fille se mit à genoux, remercia le bon Dieu, et sortit de la caverne pour commencer son travail.